Toutes les misères, toutes les vicissitudes que l'on endure dans la vie corporelle sont des suites de nos imperfections. Le fait qu'il existe un lien de causalité dans les problèmes, les maladies et les douleurs que nous endurons en conséquence de nos actions ne signifie pas que les causes sont forcément dans des vies antérieures. Beaucoup de maux qui nous affligent ont pour origine notre comportement dans la vie actuelle. Il y a des maladies, des limitations et des déficiences physiques qui découlent du mauvais usage, c'est-à-dire d'un mauvais entretien de notre corps provoquant des dégâts. Cela arrive surtout suite aux vices et aux indisciplines qui causent de graves problèmes de santé. Pour cette raison, les esprits supérieurs précisent « Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. C'est dans la vie corporelle que l'esprit répare le mal de ses existences antérieures qu'il met en pratique les résolutions prises dans la vie spirituelle. Ainsi s'expliquent ces misères et ces vicissitudes qui, au premier abord, semblent n'avoir pas de raison d'être. Ce sont de toute justice, dès lors qu'elles sont l'acquis du passé. À qui donc s'en prendre de toutes ces afflictions, si ce n'est qu'à soi-même? L'homme est ainsi, dans un grand nombre de cas, l'artisan de ses propres infortunes. Mais, au lieu de les reconnaître, il trouve plus simple, moins humiliant pour sa vanité, d'en accuser le sort, la providence, la chance défavorable, la mauvaise étoile, tandis que sa mauvaise étoile est dans son incurie. La compréhension de la loi de cause à effet nous permet de comprendre pleinement la parfaite justice de Dieu. Nous sentons que tout a une raison d'être, que rien n'arrive par hasard. Les maux et les souffrances divers que nous endurons sont liés à notre passé, récent ou lointain. C'est la note à payer. Mais il y a un autre aspect très important. Si la douleur est la monnaie avec laquelle nous nous rachetons le passé, Dieu nous offre une alternative bénie, le bien. Tout effort en faveur de notre prochain atténue notre dette et en atténue le rachat. Dans Matthieu chapitre 26, versets 47 à 52, nous trouvons des références au principe de l'action et de la réaction. Je cite « Il n'avait pas encore achevé ces mots que Judas, un des 12, arriva, et avec lui une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons qui avaient été envoyés par les princes des prêtres et par les anciens du peuple. Or, celui qui le trahissait leur avait donné un signal pour le reconnaître en leur disant « Celui que je baiserai, c'est celui-là même que vous cherchez. Saisissez-vous de lui. » Aussitôt donc, il s'approcha de Jésus et lui dit « Je vous salue, mon maître. » Et il le baisa. Jésus lui répondit « Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici ?» Et en même temps, tous les autres s'avançant, se jetèrent sur Jésus et se saisissèrent de lui. Alors un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main sur son épée en la tirant, en frappa un des serviteurs du grand prêtre et lui coupa une oreille. Mais Jésus lui dit « Remettez votre épée en son lieu, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Luc informe qu'ensuite, Jésus toucha l'oreille de l'homme et la guérit. L'apôtre Paul dit une chose semblable dans l'Épître aux Galates au chapitre 6, verset 7. « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas narguer, car ce que l'homme sème, il le récoltera. » Ainsi, nous voyons qu'il y a un lien de causalité entre le mal que nous faisons et le mal que nous endurons par la suite. Le préjudice que nous imposons à notre prochain est une dette sur notre compte dans la comptabilité divine. Cependant, rappelons que nous ne devons pas confondre la loi de cause à effet avec la peine de talion ou avec la législation de Moïse qui préconise œil pour œil et dent pour dent. La loi de cause à effet, selon le spiritisme, se réfère autant à la manifestation de la justice, de la bonté, de la miséricorde divine, qu'au besoin évolutif de l'être humain de réparer les fautes commises, découlant des infractions commises contre la loi de liberté. Quand Jésus affirme que celui qui prend l'épée périra par l'épée, ou quand Paul proclame que nous récolterons tout ce que nous semons, ils font allusion au fait que nous recevrons en retour tout le mal que nous pratiquons par des souffrances correspondantes mais pas nécessairement identiques, ce qui équivaudrait à leur perpétuation. Les sanctions divines ne dépendent pas du concours humain. Tout préjudice causé à notre semblable produira des dérèglements dans notre corps spirituel, le périsprit, dérèglements qui, dans la même existence ou dans des existences futures, se manifesteront sous la forme de mots rédempteurs. La littérature spirite contient d'innombrables exemples de la loi de cause à effet. À titre d'illustration, nous vous demandons de vous référer aux livres, aux guides, mais aussi à beaucoup d'œuvres de Chico Xavier et de l'esprit André-Louis, mais aussi de l'esprit Emmanuel.